travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Il est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. La soi-disant crise du théâtre, elle existe d'une façon permanente. Et je crois que si Molière n'avait pas eu le génie d'écrire lui-même des pièces, il aurait subi la crise du théâtre aussi. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Puisque la myopie, toujours, nous menace tous en l'absence de recul devant les convulsions contemporaines, la crise douloureuse que la pandémie actuelle impose avec violence au théâtre risque de nous faire croire à quelque chose comme un brutal inédit. Mais voilà bien une illusion. Ce n'est pas forcément une consolation, mais c'est peut-être au moins un motif paradoxal d'espérance que de constater que depuis plus de deux siècles, depuis le temps des Lumières, les arts de la scène ont été constamment accompagnés en France par le lamento d'un inépuisable chagrin. Pascal Getchell, professeur à la Sorbonne, vient de s'attacher dans un livre bienvenu à en décrire les ressorts et à en interpréter la portée. Notre conjoncture ne pouvait donc que m'inciter à lui demander de nous faire profiter de sa science et de sa réflexion. Le seul répertoire des livres, des brochures, des articles déplorant d'âge en âge cette crise du théâtre et cette décadence de l'art dramatique peut remplir des pages et des pages. Ses discours, souvent mortifères, se déploient selon des registres pluriels, dans l'ordre de la morale, du social, de l'esthétique, de la politique, de l'économie. Et en même temps, par leur permanence même, ces propos indéfiniment répétés, constamment nourris de la crainte des concurrences, nous parlent en creux de la vitalité inépuisable du théâtre. Ils nous en parlent dans les tonalités d'un amour déçu qui prend souvent la figure d'un hommage involontaire. Jean Villard le disait à la fin des années 60, « Tant que le théâtre est en crise, il se porte bien ». Voilà un optimisme roboratif qui conduit à s'interroger sur ce que ces angoisses indéfiniment répandues peuvent avoir eu de fécond pour susciter sans relâche de précieuses recompositions esthétiques et culturelles, puisque l'insatisfaction protège, en somme, contre l'infinie répétition du même. Il en a vu ce vieux théâtre, avec ses vieux fauteuils qui grincent. Il en a vu ce vieux théâtre, des maharajas, des rois, des princes. Il en a vu des comédies, des tragédies, des quiproquos, des amoureux de Goldoni et des valets de Marivaux. Il en a vu de toutes les sortes, des misanthropes et des avares, des maris qui claquaient la porte et des amants dans des placards. Des matamores au cœur qui flanchent lorsque le rideau est tombé. Des donjuans qui brûlaient les planches et ont du mal à s'en aller. Il en a vu ce vieux théâtre dans son velours et ses dorures. Il en a vu ce vieux théâtre des cheveux mauves et des fourrures. Des oiseaux noirs aux yeux étranges, des philosophes et des marquises, des sans-le-sous qui donnent le change et des banquiers qui se déguisent. Il en a vu des sganarelles, des figaros, des chérubins, des grands adieux, des faux rappels et des fourberies de scapins. Il en a vu de drôles de drames, il en a vu passer des noms, des tout petits sur le programme et des très gros sur le fronton. Il en a vu ce vieux théâtre avec ses vieux fauteuils qui grincent. Il en a vu ce vieux théâtre, des maharajas, des rois, des princes. Il en a vu des regards tristes, de la corbeille au poulailler, des mots blasés de journalistes et des sourires émerveillés. Il en a vu des Cyrano aller se battre sans armure et recevoir tant de bravos qu'ils en ont fait craquer ses murs. Mais c'est peut-être le fantôme qui fait grincer le bois des plaintes quand il revient de son royaume pour jouer devant la salle éteinte. Pascal Getchell, bonjour. Bonjour. Je vous ai offert une chanson de Gilbert Lafaye qui remonte à 1998 et qui s'appelait « Le vieux théâtre ». Il m'a semblé que nous pouvions évoquer de la sorte, par son truchement, la permanence d'une tendre nostalgie, comme si chaque génération on avait eu le sentiment que c'était mieux avant. C'est la nostalgie d'un auteur-compositeur-interprète. C'est la nostalgie alors, d'un théâtre dont on ne sait pas bien à quoi il renvoie exactement. Théâtre à l'italienne, tel qu'il s'est développé au 18e ou au 19e. Alors, théâtre des faubourgs. Et puis, un répertoire qui part un peu dans tous les sens. Eh bien, voilà, ramasser l'ensemble des façons de faire du théâtre que nous allons avoir à considérer ce matin. Vous nous dites qu'à chaque génération est présente cette nostalgie, le sentiment que les prédécesseurs avaient mieux fait. C'est une sorte de constante. Dans le XVIIIe siècle que vous avez étudié de si près, Pascal Getchell, on trouve déjà l'idée que le théâtre est coupable de deux choses, au fond, de s'en prendre à la tradition classique, d'être traître au grand siècle, et d'autre part, de violer une morale qu'il faudrait respecter. C'est la nouveauté du XVIIIe siècle. Alors expliquez-nous ça. La querelle des anciens et des modernes, elle est antérieure, essentiellement au XVIIe siècle. Mais on l'a perpétuée néanmoins chez beaucoup de plumes. Oui, et elle porte sur les règles que l'on respecte ou qu'on ne respecte pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIIIe siècle, ça ajoute une couche. C'est la question de la morale. Dès avant la Révolution française, il y a cette idée que le théâtre serait le lieu de la dégradation des mœurs, que la comédie féminine ne serait pas au rendez-vous de ce qu'elle a pu être avec Molière, par exemple. Alors, Voltaire, les tragédies de Voltaire cherchent à reprendre cette idée de la tragédie classique. Elles sont bien oubliées aujourd'hui, d'ailleurs, ces tragédies. Avec les règles de la comédie classique. Exactement. Unité de lieu, unité de temps, unité de thème. Voilà, et d'action, tout à fait. Alors, ce côté moral, y compris défendu par des Italiens, Rico Boni, cherche à vanter les mérites, y compris de la comédie italienne, puisque la comédie italienne doit se faire une place à Paris à côté des Français. Et pour ce faire, il faut montrer comment les bonnes mœurs peuvent être incarnées. Donc indéniablement, oui, le XVIIIe siècle, c'est ce siècle un peu paradoxal de défense des normes morales et puis en même temps de monter en puissance d'un sentimentalisme au théâtre qui est condamné en même temps qu'il advient. Alors il faut que nous évoquions un auteur plus célèbre que votre Rico Boni, aussi cher qu'il soit à votre attention, bien sûr. Je veux dire Jean-Jacques Rousseau. On aurait pu remonter à Platon, qui avait aussi condamné le théâtre. Mais Jean-Jacques Rousseau, dites-nous, quels sont les thèmes de cet auteur majeur lorsqu'il est un contempteur du théâtre de son temps, corrupteur, dans sa fameuse lettre à D'Alembert sur les spectacles qui remonte à 1758. Jean-Jacques Rousseau aime bien les lettres. Il en a écrit plusieurs, des discours et des lettres. Là, il répond à l'article Genève de D'Alembert dans l'encyclopédie. Il faut aussi voir là un jeu de concurrence entre les encyclopédistes et lui. En gros, D'Alembert déplorait l'interdiction des représentations théâtrales à Genève. Il est héritière de Calvin. Et évidemment, Jean-Jacques Rousseau, dans sa réponse, lui insiste sur l'immoralité du théâtre. Donc, on retrouve ce caractère moral. Jean-Jacques Rousseau défend l'alceste du misanthrope ici, contre Célimène. Donc, le théâtre doit être le théâtre non pas des passions humaines, non pas des distractions, je ne sais pas, futiles, dangereuses, mais au contraire, un théâtre épuré pour le peuple, pour les distractions saines du peuple. Il imagine des fêtes en plein air. Il est fasciné par le spectacle de la nature. Hein, il considère que l'encyclopédie est un grand spectacle à honnir. Et de ce point de vue, il est assez intéressant qu'il utilise la critique du spectacle comme critique aussi de civilisation, qui est quelque chose qu'on va régulièrement retrouver. Une autre permanence frappe, c'est l'inquiétude des gens qui aiment le théâtre dans cette fin de l'Ancien Régime, devant d'éventuelles concurrence venue du dehors. Vous allez me dire si cette lanterne magique qu'évoque le grand Louis-Sébastien Mercier, vous allez me dire si ça peut déjà annoncer l'inquiétude contemporaine du XXe siècle en face du cinéma et même de la radio. C'est une lecture de Bernard-Pierre Donadieu dans Les chemins de la connaissance de Lise Andriès sur France Culture le 16 novembre 1994. Écoutez. Vous avez vu des fontaines portatives qui voyagent? Eh bien, voici un opéra sur roulette et qu'on porte à dos d'homme. C'est une cassette où sont adaptés ces verres d'optique qui grossissent les objets. Là, vous voyez Constantinople, Pékin, Londres, Madrid. La bataille de Fontenoy gagnée en personne par Louis XV. Un combat sur mer avec la fumée des canons où le français est vainqueur. Les images passent successivement et l'explication va toujours son train. Elle ne cadre point exactement avec l'objet qui paraît, la parole va plus vite que le carton coloré. Mais le directeur est pressé, il faut qu'il donne 12 représentations par heure. Le Parisien a voyagé sans grande dépense et sans accident. Il a vu au fond de la boîte merveilleuse tous les pays qu'il ne verra jamais autrement. Il se sent plus instruit. Il a une idée de l'océan, d'un vaisseau voguant à pleine voile sur la mer tranquille ou orageuse. On jouit des miracles de cette curiosité pour 6 deniers par dos. Égalité de place. Déjà la concurrence, on peut rêver ailleurs qu'au théâtre, n'est-ce pas, Pascal Getchel? Oui, Louis-Sébastien Mercier fait partie de ces hommes de lettres qui s'inscrivent dans le sillage des thèses de Rousseau, de Diderot. Hein. Au fond, c'est l'idée qu'il faut lier au goût du plaisir et de l'édification et que certains procédés un peu artificiels nuisent à cette édification morale. Donc moi, ici, il me semble qu'on peut lire cet extrait comme un regard peu amène sur les féeries, sur les pièces à clous, sur les pièces à effet extraordinaires qui sont présentées à ce moment-là. Hein. Il me semble que là, il y a quelque chose sur la condamnation. Alors, peut-être de la lanterne magique, en tout cas de la féerie. C'est comme ça que je le lis ici. Ce paysage théâtral parisien à la fin du XVIIIe siècle voit s'opposer les théâtres privilégiés. Déjà, on est autant des corporatismes privilégiés par l'État, l'Opéra, Académie royale de musique, la comédie italienne, théâtre italien, et naturellement la comédie française, qui elle est immortelle et qui aujourd'hui encore trône, comme nous savons, au centre de l'intérêt public et du soutien de l'État. À côté, il y a, notamment dans le quartier du Palais-Royal, qui va prospérer au temps de la Révolution, il y a le théâtre du Palais-Royal, le théâtre de Monsieur devenu théâtre Feydeau, l'opéra comique, le théâtre de la Montansier. En quoi consiste cette opposition? Est-ce qu'elle se concrétise dans des assauts partagés, des hostilités croisées? Des hostilités croisées, mais à vrai dire, il faudrait ajouter une troisième couche. C'est les foires. Voilà, les foires, exactement. Comme les foires sont périodiques, les acteurs se déplacent sur le boulevard du Temple à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et là, ce sont des petits genres. Hein. Ils ne peuvent pas jouer ni la comédie, ni la tragédie, ni théâtre parlé, ni théâtre chanté. Qu'est-ce qui reste ? La pantomime, les jeux d'acrobates, le funambulisme. En tout cas, là, il y a une forme de tripartition qui n'est pas inintéressante et qui est effectivement l'objet de tensions. Et d'appel à changer les choses, vous citiez Errico Boni, de la réformation du théâtre 1767, qui appelle à un contrôle, y compris du petit théâtre que vous évoquez, du théâtre de foire. Il y a l'appel à la réformation d'Errico Boni, mais sur un plan moral, je dirais qu'il y a une autre protestation, celle des directeurs de ces petits théâtres qui aspirent à en faire et qui n'y arrivent pas toujours. Et donc, une sorte de lutte permanente qui sera accrue après le système du privilège, tel est le nom qu'il portera à partir de 1806-1807, où on réduit à 8 hein, les salles qui ont le privilège du théâtre parler et chanter. Et donc, on peut lire toute la première partie du 19e siècle comme une lutte de petits théâtres secondaires contre les théâtres dits privilégiés. Chacun critiquant les autres, estimant que les autres trahissent une certaine tradition. Exactement. La Comédie française est accusée d'être un peu poussiéreuse, de renoncer à la comédie, de se laisser aller au drame romantique. Mais avant le romantisme, la Révolution française, qui met fin au corporatisme, a dû jouer un rôle dans cette histoire des théâtres et de la diversité de ce qu'on propose au public, non ? Oui, décret sur la loi théâtrale de 1791, on voit tout un tas de théâtres fleurir. C'est le moment aussi hein, où un théâtre de la nation est censé aussi incarner l'effervescence révolutionnaire. Alors tout ça est de courte durée, mais a le mérite d'exister. C'est le triomphe du Palais Royal. Exactement, à ce moment-là, c'est le triomphe du Palais Royal. Quelle est la topographie du théâtre et qu'est-ce qu'elle a à nous dire dans Paris, puisque nous parlons surtout de Paris, forcément, étant donné que les gens de l'époque vont dire que Paris sans théâtre, ce serait qu'un immense Carpentras. J'ai pris mes auditeurs de Carpentras de pardonner, c'est Félix Piat qui le disait, ce n'est pas moi. Exactement. Le quartier du Palais Royal joue un rôle important et de ce point de vue, il y a une homologie entre les lieux politiques et les lieux artistiques. Ça se passe au même endroit. Avec ensuite un glissement vers le boulevard, vers le nord. Alors, le glissement vers le boulevard, il se fait dès la fin du XVIIIe siècle, mais moins sur le théâtre que sur des formes dont on pourrait dire qu'il s'agit de formes dégradées. La pantomime, le funambulisme, les acrobaties, etc. Alors, et plutôt le boulevard du Temple, hein, pas tous les boulevards, mais plutôt le boulevard du Temple, le fameux boulevard du crime. Nous allons y venir au boulevard du crime. Vous faites un ensemble de la Révolution, de l'Empire et de la Restauration du point de vue de l'histoire du théâtre, de ses nostalgies, de ses regrets, de sa crise supposée, dont nous parlons aujourd'hui, la chronologie peut s'organiser de la sorte. Il faut bien voir que sous la Restauration, c'est le système du privilège tel qu'il avait été mis en place par Napoléon qui est critiqué. Et c'est la raison pour laquelle se multiplient les théâtres privilégiés sous la Restauration. Plus tardivement, il est reproché au moment de la Restauration d'être le moment des drames romantiques. Donc à chaque fois, hein, les reproches esthétiques sont liés aux épisodes politiques. Je suis frappé de voir que le grand tragédien Talma, si cher au cœur de Napoléon, reçoit son lot de critiques, puisque Alexandre Ricord, qui est un ancien journaliste marseillais révolutionnaire rallié à la monarchie par haine de l'Empire, s'écrit à propos de Talma, « Sa déclamation est empathique, sa récitation est sombre, sa manière de parler les vers familière, et cela forme un tout monotone et fatigant pour le spectateur. » Talma incarne à ses yeux un théâtre déjà en crise. Cet extrait renvoie à une critique récurrente faite au théâtre, c'est la critique relative aux acteurs, au jeu des acteurs, à leur emphase, à leur mercantilisme, on leur reproche tout et son contraire, à ces pauvres acteurs. Ça renvoie à Cyrano, vu par Rostand plus tard, qui empêche Montfleury de déclamer de façon emphatique, qui est insupportable à notre héros. Aux hommes, si tu joues, je serais obligé de te fesser les joues. Exactement. Et alors, qui est on ? Oui, qui est on ? Ce sont des critiques qui s'expriment dans la presse et qui trouvent là le moyen d'alimenter leur ligne. Et puis, ce sont aussi de plus en plus, hein, au cours du 19e, des directeurs qui trouvent que les acteurs prennent trop de place. En tout cas, là, il me semble que c'est une critique permanente. puisque la critique, mais alors plus tardive sur les vedettes, relève, à mon avis, hein, du même motif, c'est-à-dire la place, hein, l'omniprésence de l'acteur dans l'écosystème théâtral. Vous donnez dans votre livre, Pascal Getchell, vous donnez à connaître un extrait savoureux du critique dramatique du temps à la fin du 19e siècle, le fameux Francisque Sarcey. Francisque Sarcey, c'est lui qui avait dit que du côté du théâtre, les uns se posent en médecin et les autres en croque-mort. Ça pourrait valoir peut-être à d'autres moments. Il nous donne, par votre intermédiaire, une liste incroyable de brochures sur le thème toujours de la décadence, la décadence. Et pourtant, en contraste, ce théâtre est d'une grande vitalité tout au long du siècle. Les multiples brochures, pamphlets sur la décadence, oui, fleurissent tout au long du 19e siècle, dans une belle régularité. Je dirais que c'est ce qui oppose le siècle et la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on va passer, me semble-t-il, de discours sur la décadence au discours sur la crise qui fonctionne comme un système théâtral. Quelle est la différence, la décadence et la crise ? De mon point de vue, la grande différence, c'est que la décadence tourne surtout autour de questions esthétiques et morales. Le discours de crise est encore plus complexe parce qu'il mêle à ces considérations, des considérations politiques, mais aussi idéologiques et économiques. Elles étaient déjà là, mais il me semble que ce qui se rajoute à la fin du 19e siècle, c'est aussi la condamnation de la France pour elle-même, y compris de la France républicaine. C'est là la grande différence, c'est qu'on sort du strict milieu du théâtre pour aller plus largement sur la condamnation de la civilisation française telle qu'elle serait en décadence. Quand on assiste à la bataille d'Hernani, fameuse manifeste brillant de l'émergence du drame romantique, Victor Hugo, c'est aussi une remise en cause de la société bourgeoise, on est en 1830. Oui, c'est vrai, il y a du politique et du sociétal dans cette affaire, mais je dirais qu'on reste dans un milieu qui est celui du théâtre, hein, et le drame romantique contre les règles classiques, c'est ça aussi la querelle d'Hernani. La position des romantiques parfois un peu ambiguë par rapport au théâtre, critique ou pas. Il y a le fameux poème d'Alfred de Musset, Une soirée perdue, vous vous rappelez, on est en 1840. 10 ans après Hernani. J'étais seul l'autre soir au théâtre français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue, enlacée et roulée en feston, tourne comme un rébus autour d'un mirliton. Qu'est-ce qu'il veut dire par rapport au théâtre, Musset, à ce moment-là ? C'est un peu curieux. Musset, c'est le romantique. Et là, il s'agit d'une apologie du théâtre de Molière. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est peut-être aussi un moyen de se placer dans la hiérarchie des drames romantiques et comme étant celui qui serait au-dessus des petits drames romantiques et qui s'inscrirait dans la lignée des grands auteurs. J'écoutais cependant cette simple harmonie et comme le bon sens fait parler le génie. Il y aurait donc la fidélité au XVIIe siècle qui implique une critique du contemporain ? Peut-être, et puis surtout cette idée d'être placé dans la filiation des grands écrivains. Il me semble que ça, c'est une des caractéristiques. Ce qu'on pourrait ajouter aussi, puisque vous évoquiez Victor Hugo, c'est cette question de liberté pour les théâtres. Et Victor Hugo a été un des grands auteurs qui ont défendu cette liberté du théâtre. Je rappelle que la censure existe depuis 1701 et qu'elle ne disparaîtra, faute de censeur, qu'en 1906. C'est un des grands débats du 19e siècle. Victor Hugo, avec Dumas, Casimir de Lavigne, etc., réclame à la Monarchie de Juillet une seconde scène à côté de la Comédie française. Toujours cette idée du privilège par rapport au foisonnement d'une liberté alentour. Là où c'est compliqué, c'est que le système du privilège, vous voyez, il est à géométrie variable. On parlait de 8 théâtres privilégiés sous Napoléon, le chiffre augmente, puis baisse à nouveau, et donc c'est un combat permanent pour pouvoir jouer du théâtre. La période du Second Empire, un peu paradoxalement à nos yeux, est une période de relative libéralisation. Le public se développe avec l'essor de la bourgeoisie, c'est important, et puis l'offre s'élargit. Alors l'offre s'élargit, le goût change aussi. La grande date, c'est 1864, parce que c'est la liberté théâtrale, c'est la fin du système des privilèges, et enfin, on peut jouer du théâtre parlé et chanté sur d'autres scènes que les scènes qui en ont le monopole. La loi du marché, du coup, va prévaloir. Tout à fait. Vous avez tout un tas de directeurs qui se précipitent pour créer des salles. Le goût change aussi, parce que ce sont des salles qui sont aussi des salles de café-concert qui vont se développer. Ce n'est pas forcément des salles de théâtre. Il y en a, mais pas que. Donc on est vraiment dans un moment assez particulier où l'osmanisation fait qu'un certain nombre de théâtres sont détruits sur le fameux boulevard du crime, hein, le boulevard du Temple, qu'il y a une recentralisation des théâtres, notamment autour de la place du Châtelet, que l'opéra, même s'il est inauguré sous la Troisième République, est imaginé à ce moment-là, enfin la nouvelle opéra. Bon, donc à la fois on a une nouvelle géographie théâtrale, à la fois on a un système du privilège qui vole en éclats, et puis ces goûts qui se modifient l'importance du café-concert qui monte en puissance. Le beuglant, comme on disait. Exactement, dans les quartiers aisés ou les quartiers moins aisés. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. C'est précisément, Pascal Getchell, c'est précisément à la charnière des 19e et 20e siècles que la crise du théâtre devient vraiment un thème de prédilection. Il nous renseigne sur les faiblesses de la scène et aussi son prestige en creux. La thèse que j'ai développe est l'idée donc du passage du discours très axé sur la décadence, un discours réellement axé sur la crise. Pas seulement la crise esthétique, Christophe Charles en a déjà parlé, hein, notamment autour de la crise du naturalisme, les épigones de Zola qui ne parviennent pas à se faire jouer sur les planches, et puis les symbolistes qui critiquent ce théâtre naturaliste, hein, par trop réaliste. Alors, s'ajoute à cela la montée en puissance de la parole des directeurs sur le coût exagéré du droit des pauvres, donc problèmes économiques extrêmement importants. Alors, le droit des pauvres, c'est une taxe très très ancienne, hein, qui date de 1699, il faut aller chercher très loin, sous Louis XIV, et qui était destinée à être reversée aux indigents. À l'époque de la Troisième République, il s'agit d'une taxe qui est reversée à l'assistance publique, hein, les hôpitaux de Paris. Cette taxe ne sera supprimée qu'en 1941. Et une grande partie des récriminations est d'ordre économique, hein, ces directeurs qui constatent que parfois la faillite des théâtres l'emporte, même si certains sont florissants. Donc la dimension esthétique, la dimension économique, la dimension politique, parce que derrière la condamnation du théâtre, c'est aussi la condamnation de la Troisième République, qui critique à la fois les monarchistes, l'Action française autour de Charles Maurras et l'abominable Léon Daudet, hein, autour de son krach des théâtres, une condamnation du théâtre mercantile, juif, etc. Donc vous avez cette dimension politique mais extrêmement forte, mais de l'autre côté de l'échiquier politique aussi. Louis Nadzi, écrivain prolétarien, en a tout autant après ce théâtre embourgeoisé d'une ville lumière qui serait putride, enfin bon, tout un tas d'expressions assez remarquables. Il y a une critique sociale, hein, sur l'embourgeoisement du théâtre qui est forte. Et ce qui étonne, peut-être ça peut amener aussi à aujourd'hui, c'est que toutes ces critiques figure en un temps où le théâtre demeure extrêmement prospère. On voit son importance dans la vie quotidienne, dans la vie de la littérature, dans la vie du monde politique. Les hommes politiques se retrouvent au théâtre, ont des comédiennes comme maîtresses. Aujourd'hui, ce seraient plutôt souvent des journalistes. Ça a changé. Je pourrais en citer toute une série. Berthe Cerny pour Briand, Béatrice Bretty pour Mandel, Marie Marquet pour Tardieu. Je ne donne pas ces noms pour... faire une sorte de gala rétrospectif, mais parce que ça nous dit des choses sur la présence, l'intrication entre le monde du théâtre et la vie publique. Jaurès et Clémenceau se retrouvent du côté du théâtre à Thèse pour commenter ensemble avec passion une pièce de Ibsen. Et une partie des hommes politiques écrivent d'ailleurs des pièces de théâtre. Donc Clémenceau, oui. Vous avez tout à fait raison. C'est le paradoxe admirable du discours de crise. C'est que c'est au moment où le théâtre se porte le mieux que le discours de crise prospère. Et autant des faillites qui ont ponctué le XIXe siècle succèdent plutôt à un temps de prospérité relative pour les théâtres, au moment où les critiques sur la fréquentation sociale, le prétendu embourgeoisement, en réalité les choses sont beaucoup plus compliquées parce que vous avez des petits théâtres qui prospèrent, y compris dans les faubourgs de Paris. Donc je dirais que le discours de crise n'est pas calqué sur la réalité, pour le dire autrement. Représentation et pratique sont relativement différentes. Je relève que dans Jean-Christophe, Romain Rolland, avant 1914, grand roman sur l'amitié franco-allemande, etc., et sur la musique, Romain Rolland écrivait, 1905, le théâtre tenait à Paris, dans la vie quotidienne, une place exorbitante. C'était un restaurant pantagruélique qui ne suffisait pas à assouvir l'appétit de ces 2 millions d'hommes. Une trentaine de grands théâtres, sans parler des salles de quartier, des cafés-concerts, des spectacles divers, une centaine de salles, chaque soir, presque toutes pleines. Un peuple d'acteurs et d'employés, les 4 théâtres subventionnés, occupant à eux seuls près de 3000 personnes, Paris entier, rempli de la gloire des cabots. Fin de citation. Le théâtre est à la mode, mais c'est aussi parce qu'il est à la mode qu'il est critiqué. La passion devient dévorante, en somme. Cette fièvre d'écriture, ouais. Cette manie dramatique dont parle Romain Rolland est contagieuse, elle irait en s'aggravant surtout. Alors, cette passion est si dévorante que certains la condamnent, hein, parlent de théatromanie. Il y a un socialiste rationnel belge, Léon Legavre, qui explique qu'il y a une forme de manie du théâtre un peu obsessionnelle qui caractériserait les Parisiens et plus largement les Français et qu'il faut absolument condamner. De ce point de vue, cette manie théâtrale, oui, elle est perçue extrêmement négativement. Et puis on voit surgir une question qui est toujours morale, c'est-à-dire la question de l'obscénité au théâtre. Et peut-être aujourd'hui, il y a un écho quant à certains débats sur l'équilibre de la scène, de ce point de vue-là. C'est surtout aussi parce que se développent des comédies légères, qui d'ailleurs verront au moment de la Première Guerre mondiale l'exact inverse se produire, hein, c'est-à-dire des comédies plutôt patriotiques. Ce qu'on appelle obscénité, on est loin du nu au théâtre, hein, n'exagérons pas, mais en tout cas, les corps se dénudent un petit peu, c'est le moment des comédies de mœurs, hein, et c'est ça aussi qui fait le succès des scènes, et c'est ce que ne supportent pas ceux qui dénoncent la prétendue porno. Graphie des scènes, mais de manière, totalement obsessionnelle. Je vois cet espagnol que vous citez, Romero Quiñones. La bourgeoisie s'obstine, dit-il, à l'anéantissement social en débilitant les moteurs collectifs par l'obscénité théâtrale. Les jeux du cirque, les courses de taureaux et la boxe, cette imagination sale et cet esprit étranger qui se dévoile dans le caractère libidineux du théâtre, nous viennent de France, etc. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, ce soit un des aspects majeurs de la critique contre le théâtre ou de l'inquiétude concernant la scène. Aujourd'hui, non. Encore qu'il y a relativement peu de temps, il y avait des critiques, pensées à la danse par exemple, hein, sur les nus au théâtre et sur scène, on fait couler pas mal d'encre. Hein, donc cette critique de l'obscénité, je ne suis pas sûre qu'elle ait complètement disparu. Ce sont les termes qui ont changé, mais la critique même, hein, sur justement le décalage entre ces scènes où des bourgeois se dévoilent et puis un peuple saint, parfois on la retrouve aussi. Hein, c'est quand même une des fibres du populisme, d'opposer ce peuple peuple sain à la bourgeoisie. Alors c'est ce qui fait, pour revenir à notre période, que ce qui est valorisé, ce sont les théâtres de plein air, les arènes, les reconstitutions dans les années historiques, dans les arènes de Nîmes, le théâtre du peuple de Bussan, de Maurice Potcher. Donc contre cette ville où régnerait la putréfaction la plus absolue, d'autres formes de théâtre dit populaires sont privilégiés. Et de ce point de vue, il me semble que ça fait écho à certaines initiatives depuis plusieurs décennies sur l'appel au théâtre itinérant, au théâtre dans les plus petites villes, au théâtre dans les campagnes, et y compris, quelque part, le théâtre de rue, hein, contre ce théâtre enfermé dans des salles accusées d'archaïsme et accusées de n'être pas, au fond, proches des populations et des citoyens. C'est une des formes de la décentralisation théâtrale qui a marqué la Quatrième République. Et on rejoint, au fond, les aspirations de Rousseau, c'est-à-dire du théâtre un peu en plein air, ouvert tous les grands vents de la nature. Vous évoquez d'autre part les attaques de Léon Daudet. L'extrême droite mérite d'être écoutée dans ces années-là. L'Action française, quelle critique elle apporte au théâtre, quelle analyse elle fait de ce qu'elle appelle, elle, une crise théâtrale. C'est le titre d'un livre de Lucien Dubèche de 1928, un des personnages à côté de Daudet, important, autour de Maurras. C'est un extrait de l'Heure de culture française, le 15 janvier 1959. C'est une lecture de Pierre Freinet. Dans l'art dramatique, on peut admettre qu'il n'y a que deux règles, mais imprescriptibles. Une pièce de théâtre est une action exprimée par un dialogue. La règle de l'action est l'intérêt, la règle du dialogue est la vérité. Une pièce de théâtre où l'action n'a pas d'intérêt et où le dialogue n'a pas de vérité, peut-être un très palpitant exercice littéraire, un très curieux objet de musée, c'est un bibelot de décadence, ce n'est pas une pièce de théâtre. Ailleurs, il écrit « Répétons, répétons, sans nous lasser jamais, qu'à toutes les époques, et particulièrement à celles où tout n'est pas très bien en ordre, il importe de décourager les beaux-arts. Personne ne parle plus de son métier, on parle de son art. Les comédiens ne sont plus des comédiens, ce sont des artistes. L'homme serpent et la valeur de sabre sont des artistes. » Un des très rares avantages des périodes troublées est qu'on y fait figure de sage et de penseur, sitôt qu'on y reprend le vocabulaire qui était en temps normal à la portée des imbéciles. Et sur le cosmopolitisme menaçant. Par une concordance raisonnable, l'art dramatique perd en France le sentiment de son éminente dignité et glisse mollement, sous le souffle de l'esprit de Locarno, vers le vague chaos du cosmopolitisme. Puisque la littérature reflète la société, il n'y a d'œuvre réussie qu'aux époques où la société est en ordre. Il a paru depuis 1919 autant de jeunes gens doués qu'à une autre époque. La nature fournit à toutes les époques un nombre sensiblement égal de jeunes gens doués. Il y avait, à très peu près, le même nombre de talents en France au siècle des invasions normandes qu'au siècle de Louis XIV. Seulement les premiers ont raté leur affaire. Ce n'est pas parce qu'il vit réunis Pascal, Racine, Molière, Bossuet et La Fontaine que le siècle de Louis XIV fut ce qu'il fut. C'est parce que le siècle de Louis XIV fut ce qu'il fut que Pascal, Racine, Molière, Bossuet et La Fontaine ont donné leur pleine mesure. Parmi les jeunes gens qui ont débuté dans l'art dramatique depuis 1919, aucun n'a donné sa mesure parce qu'ils ont été dans des conditions défavorables. Et, en manière de conclusion, le théâtre ira où va le monde et qui sait où va le monde. On éprouve le sentiment, Pascal Ketchel, que ces propos s'inscrivent dans le paysage d'une analyse permanente dans cet entre-deux-guerres de la crise de la civilisation occidentale. Mais il y a en plus cette idée de cosmopolitisme, avec bien sûr l'antisémitisme sous-jacent. Oui, cet essai date de 1928. En même temps, il est construit de manière très traditionnelle. Hein, il évoque Locarno, c'est-à-dire la conférence de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Exactement. Voilà quelqu'un qui ne supporte pas le tournant pacifiste, le rapprochement entre la France et l'Allemagne dans ces années-là, et qui rejoue donc ce discours de crise dans les années 20. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'il considère que la période de référence, ce sont les années 1890. Les mêmes qui étaient condamnés quelques années plus tôt. Alors sur le cosmopolitisme, je dirais que le thème n'est pas nouveau, mais il s'amplifie à ce moment-là. Et derrière cela, et derrière le très fort antisémitisme qui est développé par Lucien Dubèche, il y a toute une pensée de l'extrême droite française. Alors, on pourrait dire, ce ne sont que quelques pamphlets sans beaucoup d'importance. Moi, ce qui me paraît tout de même important, d'abord, c'est la publicité qui est donnée à ce type d'ouvrage, y compris en dehors des écrits de type monarchiste. Ce qui se dit aussi, c'est que ceux qui ont imaginé la régénération au moment de la Première Guerre mondiale ne la trouvent pas. Finalement, l'épisode de la Première Guerre mondiale dont on a peu parlé, qui a pu être imaginé par certains comme un moment où le théâtre aurait pu être régénéré, hein, le fameux théâtre de demain, eh bien, Lucien Dubèche fait partie de ces nostalgiques hein, qui considèrent, là encore, que c'était mieux avant et qui dénoncent sa société contemporaine. Là, il me semble qu'il y a vraiment un trait permanent du discours décliniste qui n'est pas propre à la période, hein. Je trouve qu'il y a une vraie permanence. Dans ces années d'après la grande crise de 1929, le théâtre rencontre de fait des difficultés financières. Tout n'est pas toujours imaginaire dans la description de la crise. On a même pu parler d'Annie Horribili, hein, année 1931-1936, où les recettes des théâtres, en tout cas à Paris, hein, sont en forte chute, où la concurrence objective du cinéma existe, d'ailleurs plus pour les musicals que pour les théâtres. Donc, de fait, comme à des moments beaucoup plus récents de l'histoire, crise sanitaire en particulier, il y a bien une adéquation entre un discours de crise et des réalités plus ou moins objectives. Ces années de l'entre-deux-guerres sont aussi celles, c'est un moment que vous décrivez comme l'acmé au fond de la crise, sont aussi celles où le théâtre affirme son inquiétude devant des concurrences nouvelles. Je pense en particulier à la radio et au cinéma. Alors que dans le même temps, certains expliquent qu'on peut mutuellement s'enrichir et s'appuyer. Cette idée s'exprime encore dans les années 50, à la fin de la 4e République. Écoutez cet extrait de l'émission Insubmersible, elle, Le Masque et la Plume, sur Paris Inter, le 30 octobre 1958. C'est un débat sur la crise du théâtre et sur la concurrence du cinéma qui est présenté par Michel Pollack, et on va entendre successivement Bernard Dort et Morvan Lebesque. Aller au théâtre pour voir quoi ? Pour voir quoi et pour voir quelle pièce, pour voir quelle mise en scène, pour voir quel spectacle, j'avoue que ça me semble être un problème presque insoluble à Paris actuellement. Vous m'avez dit vous-même que vous alliez au cinéma, par exemple, c'est un aveu qui m'intéresse. Est-ce que le cinéma, la télévision, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence dangereuse pour le théâtre ? C'est certainement une concurrence, mais le théâtre ne soutient pas du tout cette concurrence. En ce sens, par exemple, je parle d'impression personnelle, c'est que je vais en effet assez souvent au cinéma, je vois des films que je juge assez mauvais, mais je ne m'ennuie jamais totalement au cinéma. Alors que parfois, au théâtre, je m'ennuie, mais totalement, comme un rat mort, enfin. Bon, alors, puisque la salle parle, je m'en profite, excusez-moi, je fais un petit référendum spontané. Combien de personnes, depuis la rentrée, ont été au moins une fois au théâtre ? Alors, les mains se lèvent. Oh, dis donc. Les 4/5 de la salle, c'est impressionnant. Bon. Moi, ce qui me semble grave, quand même, c'est que le répertoire des théâtres parisiens me paraît d'une pauvreté essentielle, vraiment. Vous comprenez, j'ai passé dernièrement un mois en Allemagne. C'est quand même un pays où l'on joue Shakespeare, où l'on joue beaucoup de grands auteurs, donc on ne joue absolument pas en France. Moi, je suis quand même effaré de voir qu'on ne joue, pour ainsi dire, jamais Shakespeare à Paris. On l'a donné l'année dernière, mais dans une adaptation de Liberty. Morvan Lebesque. Dire je n'irai pas au théâtre cette année parce que le théâtre m'ennuie, alors que le cinéma, je ne m'ennuie jamais. Je trouve que c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire au théâtre, car justement, ce qui distingue le théâtre de beaucoup d'autres moyens d'expression, c'est qu'il réclame l'attention, c'est qu'il peut apporter le meilleur et le pire, alors que le cinéma, on est dans une salle obscure, où on se laisse aller regarder des images, et combien de fois nous avons vu des films complètement idiots, cependant nous ne nous ennuyons pas, en effet. Eh bien, je considère que l'aristocratie et la grandeur du théâtre, c'est de nous ennuyer quand il est ennuyeux. C'est de faire un métier dangereux, un métier difficile, où on joue vraiment les cartes sur la table, il faut que la pièce soit bonne, il faut que le spectacle soit bon pour que nous marchions. Je trouve que c'est le plus grand compliment qu'on pouvait faire au théâtre. Cela dit, je suis très content qu'on monte Shakespeare. Mais je donne 10 chefs-d'œuvre de Shakespeare pour la pièce d'un auteur nouveau. Parce que je trouve qu'il est infiniment plus important de monter un jeune auteur de théâtre, même si sa pièce n'est pas bonne, que de monter un classique. classiques, nouveaux auteurs, vieux débat. Faut-il s'enfermer dans la répétition du même, ce qui est critiqué par ceux qui veulent plus d'énergie dans la découverte des talents inédits, ouais, ou bien non? Alors c'est un extrait merveilleux pour plusieurs éléments. D'abord parce qu'on y trouve le passage quand même de critique qu'on a évoqué tout à l'heure sur les acteurs aux critiques sur les directeurs, les administrateurs de théâtre, qui font reposer la vie théâtrale sur des répertoires jugés insuffisants, reposant trop peu sur les auteurs contemporains. Donc ça, c'est une critique qu'on retrouve à la fin du 19e siècle, quand Villiers de l'Isle-Adam et consorts sont meurtris de ne pas être joués sur les scènes parisiennes. Donc de ce point de vue, alors c'est assez amusant, parce que nous sommes en 58, on a tous les auteurs du théâtre de l'absurde, pour ne citer Vitalité remarquable. D'ailleurs, la surprise des journalistes présents, le public dit qu'il va beaucoup au théâtre. Il va beaucoup au théâtre. Alors, même si certains petits théâtres qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale ont refermé à la fin, on va dire, des années 50, mine de rien, que ça soit sur la rive droite ou sur la rive gauche, vous avez tout un tas de petits théâtres qui ont vu jouer des pièces d'auteurs français et étrangers. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est le deuxième intérêt, il me semble, de cet extrait d'émission, c'est le propos de Bernard Dorte, hein, cet intellectuel singulier, qui dit bien qu'il n'est pas un critique professionnel d'ailleurs, et qui se situe sur un plan intellectuel. Et donc, il va chercher en Allemagne, là on pense à Brecht et à d'autres, des références qu'il ne trouve pas dans le théâtre parisien. Donc, il me semble que passer par le discours de crise, c'est aussi montrer qu'il y a des postures. Donc Bernard Dorte, c'est l'intellectuel, l'universitaire, et Morvan Lebesque, qui défend l'ennui au théâtre. Critique et qui collabore au Canard Enchaîné, qui est un homme libre. Un homme libre. Breton de son état, mais qui ne le sait peut-être pas, mais qui s'inscrit dans le sillage de Mallarmé, qui lui-même vantait l'ennui au théâtre. 60 ans après ce débat du masque et la plume, vous imaginez qu'il pourrait être tenu de la même façon aujourd'hui, dans une émission qui dure toujours ? Oui, à la différence près que le masque et la plume aujourd'hui ne consacrent pas ses premières minutes à un débat sur l'état du théâtre, ce qui était le cas au moment de Pollack et de François-Régis Bastide, qu'on n'entend pas, je crois, ici, hein, mais qui co-animait aussi l'émission. Bien sûr, hein, sur l'état de la saison parisienne, hein, déplorable. Il me semble que ça, ce sont des choses que l'on pourrait complètement entendre de la part de nos critiques aujourd'hui, même si, à cause de la crise sanitaire, je dois dire que les critiques théâtrales en ont pris un sérieux coup et n'ont pas pu commenter des actualités. Or, un point important du discours de crise, c'est qu'il est articulé à la question de l'actualité théâtrale. Et l'actualité est toujours mauvaise, est toujours en retrait. La saison actuelle est toujours moins bonne que la précédente. Le monde de la critique, on en a peut-être trop peu parlé, mais alimente ce discours de crise parce que cette accumulation de critiques lui permet aussi de s'installer dans une professionnalité de critique. Jean-Jacques Gauthier, ça a été un des grands critiques du théâtre privé, mais il est au Figaro. Il vidait, il remplissait les salles. Ouais. Et il vidait, il remplissait les salles, avec quelques remords postérieurs d'ailleurs. Et puis tout un tas de critiques, plutôt liées d'ailleurs à la presse hebdomadaire de gauche, avaient plutôt tendance à faire des critiques sur le théâtre subventionné. Je dirais quand même aujourd'hui que tout n'est pas permanence, car de ce point de vue, les critiques me semblent beaucoup plus éclectiques dans la manière dont ils commentent les saisons, mais les critiques dramatiques ont un peu perdu de leur superbe par rapport à il y a encore 50 ans. Durant les 60 ans qui se sont écoulés depuis l'archive que je vous ai fait entendre, Pascal Getchell, quelle évolution voyez-vous dans les relations avec le politique au sens large, entre le théâtre et la politique? C'est un des éléments de notre réflexion sur la notion récurrente du théâtre en crise. Et ça remonte d'ailleurs au-delà, probablement au Front populaire, que, si bien étudié par Pascal Horry, auquel vous avez succédé dans votre chaire de la Sorbonne. La belle illusion, c'était son grand livre sur la vie culturelle, l'action culturelle du Front populaire. Il y a un point très important qui consiste à articuler le discours de crise à la nécessité de réforme théâtrale. Et l'idée que le pouvoir politique s'empare de ces discours pour reprendre la main. Ça a été le cas en 1848-49 quand il s'est agi d'apporter secours au théâtre, mais c'est aussi le cas, si on fait un bond dans le temps, au moment du Front populaire, en 36-37, c'est le moment où prolifèrent les rapports sur la crise du théâtre et les moyens d'y remédier, et... même si le Front populaire, et ça Pascal Horry l'a en effet très bien montré, ne parvient pas pour des raisons politiques à accomplir tout ce qu'il aurait désiré, il y a un certain nombre de solutions qui sont préconisées. On parlait de la radio tout à l'heure, mais le théâtre d'essai qui est subventionné sous le Front populaire passe aussi par des diffusions radiophoniques. Eh bien, oui, Georges Mandel, dans la compagne Béatrice Bretty, est sociétaire de la Comédie française, joue un rôle important pour la diffusion sur les ondes nationales des pièces classiques. Toujours en ambivalence de ses relations avec les concurrents, avec le cinéma. Le cinéma fait connaître aussi des comédiens et des comédiennes de la scène, qui du coup attirent davantage le public. Et la radio, de la même façon, nous en témoignons ce matin, cher Pascal Guitschel, peut servir l'adhésion au théâtre en tant que tel. Au moment où se multiplient les discours hostiles au cinéma, muet d'abord, puis parlant ensuite, à ce moment-là même, se produit un phénomène assez intéressant qui est qu'un certain nombre de comédiens se retrouvent à la radio et au cinéma, et particulièrement au moment du parlant à partir de 1929. Cette défense du théâtre, ou au contraire cette condamnation, me semble être un moyen d'expliquer le passage d'une carrière à une autre. C'est-à-dire que si on a choisi la carrière cinématographique, eh bien l'occasion de critiquer le théâtre peut être un élément de justifier, vous voyez, ce passage à une autre carrière. Pour revenir sur le politique, il me semble qu'il y a un autre lien. On a vu le lien sur les réformes à réaliser, hein, condamnation. Réforme. Je pense par exemple à la création du fonds de soutien au théâtre privé en 1964, qui est une décision politique liée à toute une série de protestations sur la crise du théâtre privé dans les années 50. Oui, il y a toujours cette double face de l'action de l'État, à la fois s'efforcer de peser à certains moments, en tout cas dans le passé, sur les scènes, et en même temps soutien. Après tout, on est passé de quelques centaines d'intermittents soutenus par l'État à, je crois, une centaine de milliers aujourd'hui. Donc c'est un vrai effort de la collectivité, il faut s'en féliciter. La collectivité nationale passant par les décisions politiques au profit du théâtre. Et je suis frappée d'ailleurs qu'à l'occasion de la crise sanitaire, Roselyne Bachelot a souvent souligné, est intervenue beaucoup dans les médias, sur la thématique du soutien des pouvoirs publics à un secteur en crise. Fonds de compensation à la billetterie et à l'annulation. Je crois que la plupart des directeurs du théâtre, notamment privés, peuvent s'en féliciter. Mais le discours de crise sert aussi à autre chose. Non seulement à faire en sorte que les pouvoirs publics s'affirment dans leur soutien, mais aussi dans un rapport de contestation aux pouvoirs publics. C'est-à-dire pensons à 68. Le théâtre a été chambre d'écho, je dirais, à la contestation 68arde. C'est le temps où Villard est violemment contesté pour son chagrin à Avignon en 1968. Voici la façon dont il s'exprime en dialoguant avec des jeunes. On est le 26 juillet 1968. Festival d'Avignon, 1968. Dialogue avec les jeunes. Aujourd'hui, Jean Villard. Cette mission réunit dans la cour du lycée Thiers d'autres jeunes et Jean Villard. Comment envisagez-vous un spectacle populaire, étant donné que les gens qui participent au Festival d'Avignon... appartiennent très nettement, enfin j'ai vu le reportage d'une sociologue, 58% de professeurs, 1% d'ouvriers, etc. Il est toujours très difficile dans une société donnée, employant le mot traditionnel de société bourgeoise, de créer un théâtre populaire. C'est-à-dire un théâtre dans l'enceinte duquel se trouvent en majorité, sinon en totalité, réunis, que ce soit un théâtre de 700 places ou de 3000 comme la Cour d'honneur, ou soit réunis donc en totalité ou en majorité des hommes et des femmes appartenant aux classes les plus défavorisées et économiquement de cette société. Vous savez, c'était l'idéal, un théâtre populaire. Je crois que même dans quelque société que ce soit, même dans une société socialiste, il est peut-être difficile d'en faire de vrais théâtres populaires. Je ne voudrais pas faire une critique de certains pays socialistes à travers lesquels je suis passé, mais je me suis aperçu que le prix des places dans ces sociétés données était à quelque chose près le même chiffre que ce que le théâtre national populaire bourgeois, celui que je dirigeais, donnait comme prix des places. Nous sommes dans une société où tout travail se paie. Tout travail se paie, et je vous le rappelle, aussi celui de l'artiste. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait partie, disons, du petit secret des contrats. Mais lorsqu'on fait venir une compagnie aussi demandée que celle de Maurice Béjart du ballet du XXe siècle, comprenant 70 personnes qui doivent prendre donc tous les jours 70 chambres d'hôtel, accomplissant un travail difficile, et disons au moins où l'on sue beaucoup, il faut en plus des chambres, il faut bien rentrer dans ce détail, vous me paraissez l'oublier, des chambres où, et ça coûte plus cher, ou si possible, il y a une salle de bain. Tant que le théâtre réclamera, par les meilleurs, du temps, et souvent 2-3 mois de répétition, il sera difficile à l'entrepreneur qui vous parle, un entrepreneur sans bénéfice et sans pourcentage, dois-je le dire, de demander aux responsables de la cité et des deniers de la cité, mais faites donc tous les soirs les spectacles gratuits. Cette scène que vous voyez, je parle de celle de la Cour d'honneur, on ne l'évalue pas. Mais il a fallu la décision d'un maire et de son conseiller municipal pour accepter la mise de fonds il y a 2 ans de 150 millions. Qui est-ce qui le paie, les 150 millions ? On vient toujours à la question de l'argent, serviteur et maître pour le théâtre. L'argent est le nerf de la guerre. Jean Villard, en bon entrepreneur, en bon patron de théâtre qu'il était, disait à juste titre que le théâtre a un coût. Eh bien merci Pascal Getchel, merci beaucoup. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont ressenti à la fin des fins cette émission comme un hommage au théâtre qui, parmi toutes ses vicissitudes et parmi tant de critiques, mérite bien qu'on le salue. Votre livre s'intitule « Une autre histoire du théâtre, discours de crise et pratiques spectaculaires, France 18e, 21e siècle » paru aux éditions du CNRS en 2021. Et on trouvera sur notre site votre bibliographie complète. Samedi prochain, ce sera ma contribution au bicentenaire de Napoléon. D'ordinaire, nous ne célébrons pas ces fêtes, mais en l'occurrence, j'ai pensé intéressant de réfléchir à Napoléon après Napoléon, c'est-à-dire à l'empreinte durable que peuvent avoir ces guerres, du point de vue stratégique, du point de vue tactique, et nous recevrons pour en parler Hervé Drévillon. Lundi prochain, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui consacrera sa semaine au thème suivant, grand oral, une histoire de l'éloquence. On n'est pas tellement loin du théâtre. Moi je voudrais voir les théâtres, pas ceux où l'on s'embête, mais ceux où des actrices folâtres offrent au regard mille attraits. Soit monsieur, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment, nous irons là, oui, vous verrez tout cela. Je veux moi dans la capitale, voir les divas qui font fureur, voir la Patti dans Don Pasquale et Teresa dans le Sopeur. Madame, oui, nous irons là et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment ? Nous irons là ? Oui, vous verrez tout cela. Et sur un air de la vie parisienne d'Offenbach, 1866, je vous rappelle que vous venez d'entendre Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec Virginie Lorda à la prise de son pour la première fois, avec Françoise Merlin à la discothèque, et Inès Barja pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans quelques instants, voici Christine Ockrent pour Affaires étrangères. Je serai votre guide, vous serez notre guide. Oh, je serai votre guide dans la vie splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la vie splendide, oui, et nous visiterons tout. Je serai votre guide.